Le 20 septembre dernier, la zone 51, cette zone militaire ultra secrète est censée dissimuler les traces d'un contact entre le gouvernement américain et un ou plusieurs vaisseaux extraterrestres. Cette zone 51 devait être l'objet d'une sorte de raid, réunir des millions de personnes ayant répondu à une invitation Facebook, réunies derrière l'idée « si nous sommes suffisamment nombreux, ils ne pourront pas nous arrêter ». Là, en lieu et place des 2 millions de manifestants, à peine 150 ont fait le déplacement jusqu'aux grilles de cette zone 51. Mais d'où vient ce mythe? Que s'est-il passé à Roswell et quelle influence sur notre rapport à la théorie du complot? Tous les mystères seront levés. Zone 51, et j'ai crié « Alien » pour qu'il revienne. C'est le titre scandaleux de l'émission qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, saison 4, on ose tout, on ne recule devant rien. Bref, pour aborder à la fois l'histoire de cette zone 51 et de l'affaire de Roswell et la façon dont elle est intimement liée et devenue indissociable de la fiction, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Séverine Barthes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste des séries télé, et vous serez rejointe d'ici quelques minutes par Pierre Lagrange, qui est sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités à l'EHESS. Mais avant de comprendre les raisons pour lesquelles la vérité est forcément ailleurs, nous allons continuer encore quelques minutes à la chercher ici, dans l'actualité scientifique de la semaine, avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, la France va devenir le premier pays d'Europe à généraliser la reconnaissance faciale. On assiste en France à de plus en plus d'expérimentations de la reconnaissance faciale. Les portiques biométriques dans les lycées, le carnaval de Nice ou dans les aéroports. Le ministère de l'Intérieur lance une nouvelle application sur Android, Alicen. Elle propose aux citoyens de se créer une identité numérique pour tout ce qui est procédure administrative, et ce, à partir de la reconnaissance faciale. Selon les révélations de Bloomberg aujourd'hui, elle sera lancée dès novembre. La France sera donc le premier pays de l'Union européenne à utiliser la reconnaissance faciale pour donner aux citoyens une identité numérique, mais cela pose de nombreuses questions, et notamment sur la protection des données personnelles. Martin Drago est juriste à la Quadrature du Net, l'association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Il engage une action en justice contre l'État. Le problème, c'est que cette application, elle oblige les personnes qui veulent se créer cette identité numérique en ligne à passer par un dispositif de reconnaissance faciale. Et pour cela, le gouvernement dit qu'on va demander le consentement des gens pour utiliser cette application. Le problème, et c'est là qu'on est un peu technique, c'est que dans le nouveau texte européen sur le règlement général des protections des données personnelles, le consentement des gens, il doit toujours être explicite, c'est-à-dire qu'on doit bien comprendre à ce à quoi on consentit, mais il doit aussi être libre. Et libre, ça veut dire non contraint. Et ce qui est intéressant dans l'application Alicen, c'est qu'en fait, les gens, on pense, on leur dit qu'on a leur consentement, mais en fait, on les oblige à passer par un dispositif de reconnaissance faciale. Et c'est là qu'il y a une inégalité par rapport au règlement général des protections des données personnelles. L'État, le ministère de l'Intérieur ici, quand il crée ce type d'application, qui concerne notamment l'identité, qui concerne le traitement de données biométriques, il prend un décret. Et ce décret, il doit avoir un avis de la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale informatique et liberté, l'autorité en France qui s'occupe de la protection de la vie privée. Et la CNIL, dans son avis, elle a dit, bah, écoutez, là, il y a clairement un problème avec le règlement général sur la protection des données personnelles parce que vous ne respectez pas le consentement des gens. Il faut aussi voir, c'est que c'est un élément de contexte, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on assiste en France à de plus en plus d'expérimentations, de légitimation de la reconnaissance faciale, sans qu'il y ait vraiment un débat public. Sans qu'il y ait même de réflexion juridique ou éthique sur cet outil. Et on voit que la CNIL, même quand elle donne un avis en disant « Attention, là, il y a un truc de reconnaissance faciale, vous respectez pas la loi », même quand la CNIL dit ça, le gouvernement ne la respecte pas et publie son décret tel quel. Oui, précisons que nous avons tenté de joindre le ministère de l'Intérieur qui n'a pas pu répondre à nos questions. En bref, selon une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical, de plus en plus de conditions pour l'apparition de la vie sont réunies sur le satellite de Saturne Encelade. Sur Encelade, on soupçonne déjà l'existence d'un immense océan sous la surface du globe. Une équipe germano-américaine a examiné les données de la sonde Cassini. elle a identifié de nouvelles molécules organiques. Dans des grains de glace, ils ont identifié du méthane, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, de l'oxygène, de l'hydrogène moléculaire, des noyaux aromatiques et des sels de sodium. Ces éléments, ce sont la base des acides aminés sur Terre, acides aminés, qui permettent la synthèse des protéines. Et à Grenoble, une personne tétraplégique a retrouvé la marche grâce à une neuroprothèse. C'est une première médicale et les résultats de cet essai clinique sont publiés aujourd'hui dans la revue The Lancet Neurologie. En 2017, des médecins ont implanté sur le cerveau du patient 64 électrodes sur chacune des hémisphères dans la zone du cortex sensorimoteur. Cette interface en cerveau-machine lui a permis de piloter par la pensée un exosquelette. Pour le moment, les mouvements de l'exosquelette sont soutenus par un harnais. Il n'y a donc pas une autonomie de marche. Les possibilités cliniques sont encore très lointaines, mais c'est une preuve de concept. Dans le journal des sciences, cette semaine, nous avons décrypté le budget 2020 de la recherche en France. Nous avons vu une remise en cause de la théorie de la matière noire. Nous avons découvert que les bactéries peuvent changer de forme pour échapper aux antibiotiques. Et nous avons observé 3 trous noirs supermassifs sur le point de fusionner. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans les journaux des sciences sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc ainsi que sur le site de la méthode sur franceculture.fr. Mais cette semaine, en ultra bref, Natacha. C'est officiel, le satellite Jason 2 tire sa révérence aujourd'hui. Cela faisait 11 ans que le satellite du CNES et de la NASA collectait des données sur l'évolution des océans. Grâce à ces données, plus de 2000 publications scientifiques ont vu le jour, et notamment le dernier rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur les océans. Grâce aux 3 télescopes les plus puissants du monde, Subaru, Keck et Gemini, une équipe internationale vient de découvrir le protocluster Z66-OD, le plus vieux protocluster de notre univers. Un protocluster, c'est un embryon de galaxie. Il est composé ici là de 12 galaxies vieilles de 13 milliards d'années. C'est seulement 800 millions d'années après le Big Bang. Et enfin, selon une étude parue aujourd'hui dans Science, un animal sauvage sur 5 est vendu sur le marché. Cuir, ivoire, alimentation de luxe, médecine ou animaux de compagnie, 18% de toutes les espèces vertébrées sont concernées par le commerce de la faune sauvage. Ce chiffre est l'un des facteurs de risque d'extinction des vertébrés les plus marqués au monde. Et on passe comme un vendredi sur deux, c'est une nouveauté, vous le savez désormais cette année, au journal de la science-fiction avec le lancement du mois de l'imaginaire. Qui se déroule tout le mois d'octobre. C'est la 3e édition de cet événement qui fait la promotion de la littérature de l'imaginaire. Science-fiction, fantasy, fantastique. L'initiative mobilise une 40aine de maisons d'édition et propose plus de 200 événements dans toute la France durant tout le mois d'octobre. Et ça se termine le 3 novembre au festival Les Utopias à la Nantes. Et ce mois de l'imaginaire, en tout cas, il prend de l'ampleur avec des événements aussi en Suisse et en Belgique. Et les deux dernières éditions ont été de grands succès en librairie. L'événement devient un temps fort pour la SF. Jérôme Vincent est éditeur chez ActuSF et co-organisateur. Ce qui est original dans cette initiative, c'est qu'on a le regroupement de 40 éditeurs. D'un seul coup, il y a des gens qui sont normalement concurrents, par essence, qui aujourd'hui disent on travaille tous ensemble pour essayer de multiplier les actions pour l'imaginaire pendant le mois d'octobre. Les dernières éditions ont été de bons succès. Alors, il y a une partie cuisine interne où moi je peux vous dire qu'en gros les chiffres de vente sur les mois d'octobre du mois de l'imaginaire sont meilleurs que les mois d'octobre des années précédentes, donc ça on est plutôt content. Et puis surtout moi ce que je retiens c'est l'engouement général. Est-ce qu'on peut dire qu'en France il y avait justement un manque pour valoriser ou en tout cas promouvoir la littérature SF? C'est une vaste question, il faudrait peut-être en parler pendant des heures. En fait, il y a un double paradoxe. En fait, on vit dans un monde de science-fiction et de fantasy. Ce que je veux dire, c'est que ce soit Star Wars ou Game of Thrones, les séries télé, les films, les grands succès au cinéma, mais aussi en jeux vidéo ou en BD, relèvent de l'imaginaire, parce que c'est un genre qui est intéressant, et on le sait depuis des années, parce que c'est un genre qui raconte le monde de manière vraiment puissante. Donc, l'imaginaire est là. Et pourtant, on a constaté, on a des outils pour mesurer, par exemple, l'impact médiatique. On s'est rendu compte que sur certaines émissions littéraires grand public, on avait du mal un petit peu à avoir des livres de science-fiction qui étaient présentés, à l'instar de la littérature générale. Donc du coup, on est un peu dans ce double paradoxe-là, mais c'est plutôt de la méconnaissance véritablement du genre qu'un rejet profond. Donc on est à la fois dans un monde de science-fiction, et on a un peu des difficultés de temps en temps à être représentés à ce qu'est le marché de l'imaginaire aujourd'hui, quoi. En bref, toujours dans ce journal de la SF, selon une étude parue dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, les fans de fantastique et de science-fiction seraient de meilleurs partenaires amoureux. Les psychologues de l'Université d'État de l'Oklahoma ont fait passer un test à plus de 400 personnes. Elles devaient citer les noms d'auteurs spécialisés de SF, de littérature classique, de polar, de fantastique et de romans d'amour. Puis, elles devaient donner leurs opinions sur différentes conceptions de l'amour, plus ou moins idéalistes. Les chercheurs concluent que les amateurs de SF ont une conception plus réaliste et plus optimiste d'une relation amoureuse. Selon eux, les lecteurs de science-fiction ont une plus grande aptitude à concevoir les capacités évolutives de l'être humain et peuvent donc transposer cette idée au sein du couple. Je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. La BBC et la Fox lancent chacune leur mouture d'une série de la guerre des mondes, Natacha. Les deux chaînes concurrentes adaptent chacune le roman de H.G. Wells, qui a déjà fait l'objet de nombreuses adaptations sur le petit et sur le grand écran. Pour la BBC, l'action se passe dans l'Angleterre des années 90 et sera diffusée cet automne. Pour la Fox, qui s'associe à Canal+, l'invasion extraterrestre se déroule dans l'Europe d'aujourd'hui. Avec au casting Léa Drucker et Gabriel Byrne, la diffusion des 8 épisodes commencera en tout cas aux Pays-Bas à partir du 4 novembre. Et pour conclure ce journal, comme chaque semaine, la rubrique des sciences improbables, aujourd'hui, Natacha, une étude parue dans la revue Bioessays pose une question. Puis justement, après les tripodes de la guerre des mondes, pourquoi aucun animal sur Terre n'a-t-il 3 pattes? Parce que sur notre planète, les animaux marchent sur 2 jambes, sur 4 jambes, sur 6, voire sur 750. Pourquoi donc les animaux n'en ont-ils pas 3? Dans ce papier, il est rappelé que la grande majorité des espèces ont 2 côtés symétriques. Donc la réponse à cette question se trouverait enracinée dans l'histoire de notre évolution. L'étude suggère que le fait d'être bilatéral serait apparu très tôt dans l'ADN du vivant. L'étude rappelle même que dans les archives fossiles, on ne trouve pas d'organismes à 3 pattes. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve eh bien lundi prochain pour une nouvelle semaine de Journal des Sciences. Je vous rappelle évidemment que tous les liens vers les études, vers les bandes annonces des séries, vers tout ce qui a été évoqué et tout ce qui va être évoqué au cours de l'heure qui vient, c'est à retrouver sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique, @laméthodefc. Mais tout de suite, direction la zone 51. FBI. You're gonna have to turn around and leave immediately. Why? It's a public highway. It also borders on a US government testing ground. What's your business here? What are you doing out here in the middle of the night? What are you doing out here? Hiding top secret test flights? Using technology from UFOs? Flying saucers. Flying saucers, using technology from UFOs, utiliser de la technologie d'OVNI. Vous avez peut-être reconnu les voix en version originale des agents Scully et Mulder dans cet extrait du double épisode 4 et 5 de la saison 6 de X-Files, intitulé en version originale Dreamland, zone 51 en français, où les deux héros sont aux portes de cette zone militaire ultra confidentielle, censée dissimuler les traces des expérimentations américaines sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres et même parfois sur le pilote mort ou vif. Parce que eh bien, l'histoire de cette zone 51 et de l'accident de Roswell dont nous allons parler est devenue au cours des années 90 strictement indissociable de la fiction et notamment de cette série X-Files qu'il a ancrée dans le subconscient international jusqu'à en faire une forme d'archétype même de l'esprit conspirationniste de cette fin de XXe siècle. Alors comment s'est créée cette mythologie de la zone 51? D'où vient-elle et comment a-t-elle infusé dans la culture populaire? Nous en parlons avec Pierre Lagrange, que je salue, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités à l'EHESS et avec Séverine Barthes, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste des séries télé. La zone 51 et les X-Files, Pierre Lagrange, totalement indissociables. Maintenant, oui. Et c'est devenu indissociable pour nous au cours de l'été 95. Quand la deuxième saison d'X-Files a cartonné à la suite des débats qui avaient démarré pendant l'été sur l'affaire de Roswell, justement. Et elle démarre en 93 aux États-Unis. Donc les Américains avaient déjà la culture sur le sujet. Nous, on était un peu loin derrière. Et il a fallu attendre l'histoire du film, d'une autopsie d'un extraterrestre pour que, en fait, les Français se mettent à niveau sur cette histoire et que la série, du coup, décolle et devienne le succès que l'on connaît. Séverine Marthe, sur le lien entre sur cette histoire et sur Roswell et sur le lien avec la fiction. En fait, c'est vraiment la fiction qui a ancré la mythologie complètement dans l'inconscient et dans l'imaginaire populaire. Oui, parce que la fiction, elle permet aussi d'incarner ces histoires réellement. La zone 51, c'est quelque chose de secret, d'abstrait, auquel le commun des mortels n'a pas accès par définition. Et donc le montrer dans des fictions ou l'incarner dans des personnages qui sont en but à ce secret, etc., permet aussi de donner une représentation. Et c'est la même chose pour Roswell. Il y a certes le film de la vraie fausse autopsie, présentée comme vraie, donc de cette arnaque, enfin bon, de Roswell, mais ça reste très limité, et c'est l'intégralité de ces reprises, de ces mentions, de ces clins d'œil qui va cimenter la culture commune, en fait, que l'on se fait autour de ces événements. Alors, on va revenir, évidemment. Il y a deux façons, Pierre Lagrange, d'ailleurs, de revenir sur l'origine du mythe. Il y a la façon chronologique, c'est-à-dire qu'on prend le début, c'est-à-dire l'incident de Roswell, on est en 47, mais en fait, c'est pas vraiment le début. Oui, c'est ça, oui. Le début, c'est 1980. Mm. Le début, c'est le premier livre qui paraît en 1980. Que vous avez devant vous. Voilà, qui est publié par Berlitz et Moore. Et qui est publié d'ailleurs au moment où les ovnis vont retomber dans l'actualité. C'est-à-dire que entre 80 et 87, les ovnis ne font plus recette. Alors qu'ils font recette avant. Avant, oui. Alors c'est par vague en fait. Toujours depuis 47, il y a des vagues d'intérêt, puis des vagues de des creux de vagues, on va dire. Et là, le livre paraît en 1980. Il va s'en vendre, je crois, 40 000 dans l'édition hardcover d'origine, ce qui pour les États-Unis n'est pas un phénomène énorme, d'édition, non. Et donc, c'est surtout en 87, quand les soucoupes reviennent en 87, à travers Roswell, en fait, des développements de l'affaire de Roswell et des histoires, le succès des histoires d'enlèvement aux États-Unis, d'enlèvement par les extraterrestres, que cette histoire revient, que les ovnis ont à nouveau du succès et que vont s'enchaîner tout un tas de polémiques qui vont, dont une partie d'entre elles vont se centrer sur Roswell avec l'implication de l'US Air Force qui va être obligée de sortir de sa réserve. L'US Air Force ne communiquait plus sur le sujet depuis 1969, la clôture du projet Blue Book, qui était le programme d'études officiel des ovnis. Et là, ils vont être obligés de rechercher dans leurs archives ce qu'il y avait à l'origine de cette histoire de Roswell. Mmh. Ce qu'il faut bien savoir, et il faut dissocier, parce qu'on va parler alternativement de la zone 51 et de l'affaire de Roswell, c'est que en 47, il y a effectivement quelque chose qui s'est crashé. On va le savoir, et d'ailleurs, on sait à peu près ce qui s'est passé maintenant, Pierre Lagrange. Oui, alors, en 47. Il y a toujours une polémique. Mmh. Mais ce que, à l'époque, les militaires avaient expliqué, c'est que c'était un ballon sonde, après avoir dit que c'était une soucoupe de façon un peu imprudente. Et c'est ça qui leur a créé des soucis, parce que quand l'affaire ressort en 80, elle est amalgamée avec d'autres histoires. C'est pour ça que l'affaire de Roswell, en fait, c'est beaucoup plus complexe et diversifié que ce qui s'est passé en 47. Et donc, c'est à partir de 80 que ça va s'enrichir. Et comme les militaires ont perdu la mémoire de ce qui s'était passé, ils vont avoir un peu de mal à la retrouver. Ils vont d'ailleurs utiliser les ufologues pour arriver à se diriger dans leurs propres archives. Ce qui est incroyable, oui. Mais il y a des ufologues qui sont devenus de très grands spécialistes des archives administratives et notamment militaires, et qui ont retrouvé entre-temps l'origine probable de cette histoire, qui était donc un programme de ballons ultra-secrets destiné à espionner les Russes. Donc à l'époque, on comprend que c'était très sensible et secret. Et à espionner particulièrement le fait de savoir si les Russes vont avoir ou non la bombe atomique. C'est des ballons qui étaient destinés à écouter la haute atmosphère. En cas, s'il y avait une explosion atomique sur le sol soviétique, ça se serait répercuté dans les couches de l'atmosphère, et ils pensaient le capter comme cela. Mais alors, quel lien entre cet événement de Roswell qui se passe en 47 et la zone 51 qui ne sera construite qu'en 1955. Alors là, le lien, pareil, il apparaît à partir de 88-89. Il apparaît pas avant. C'est-à-dire que cette zone 51, elle va intéresser les journalistes aéronautiques, peu à peu. Mais les ufologues ne vont s'y raccrocher qu'à la fin des années 80. Ça fait partie des suites de l'affaire de Roswell. C'est-à-dire qu'en 87, les ufologues donc révèlent des documents secrets qui aurait été émis par un groupe qui s'appelle le Majestic 12, qui serait donc le groupe d'experts nommé par la Maison Blanche pour s'occuper, gérer cette affaire de Roswell, donc au plus haut niveau de secret, au-dessus de la Maison Blanche. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, donc il y a le livre dont vous parliez, The Roswell Incident, en 80, 40 000 copies, mais effectivement, ça tombe un peu dans un trou. Voilà. Et puis, le vrai point de départ, en fait, c'est ces faux documents de 1987, voilà, du Majestic 12, qui sont envoyés à des ufologues, hein, qui ne sont pas envoyés à des journalistes. Voilà, c'est un producteur de cinéma californien qui reçoit un film non développé, et dedans il y a les documents. Et donc, c'est quoi ces documents? Alors ces documents, c'est un briefing préparé pour le président Eisenhower en 52 pour le l'avertir, pour le mettre au courant de, du secret des secrets, on va dire. Et donc une polémique va être déclenchée parce que comme ils sont pas arrivés par les archives nationales américaines, il va y avoir toute une polémique sur leur authenticité. Les ufologues vont se disputer à propos de ça. Ça va même, il y aura des articles dans le New York Times, dans la grande presse hein, sur cette histoire. Et ça va relancer l'affaire et à partir de 89, d'autres groupes d'ufologues vont revenir à Roswell pour réenquêter l'histoire, notamment le QFOS, le Center for UFO Studies, qui est souvent mentionné dans X-Files, et qui était un groupe fondé par l'astronome qui était le conseiller de l'armée sur les ovnis. Et donc l'affaire va se renforcer parce que de tout un tas de témoins qui ne s'étaient pas fait connaître jusque-là vont ressortir. Alors certains de vrais témoins, d'autres sur lesquels il y aura aussi de grosses polémiques. Et on va y revenir dans un instant. Le Majestic 12, c'est ni plus ni moins Séverine Barthe que le mal à cigarette en fait. Oui, et cette théorie du gouvernement mondial, du gouvernement secondaire, voilà, etc., qui ferait alliance avec les extraterrestres dans une optique sans doute de domination. Enfin, c'est toujours assez fumeux. Justement, les projets restent très flous dans leur développement, puisque Mulder et Scully ne savent jamais quand ils trouvent une information si elle est véritable ou si c'est un écran de fumée destiné à les emmener vers une fausse piste. Et tout cela va ancrer cette idée du complot qui lie des extraterrestres, des humains qui font des alliances avec des extraterrestres et croisent aussi avec des représentations qui vont se disséminer après, je pense, dans la culture populaire, là, qui sont pas propres à X-Files, mais qui vont croiser des théories comme celle des reptiliens, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, Pierre Lagrange, et on va le voir au fur et à mesure, c'est que finalement ce point de départ du Majestic 12, de ces faux documents, puisqu'ils sont attestés faux. Non, oui, les ufologues sont d'accord pour dire, alors évidemment, il y a toujours des gens pour... Mais en gros, l'accord se fait, chez les ufologues, pour dire que ce sont des faux. Donc, c'est vraiment le point de départ, et on va le retrouver peut-être plus tard, et on pourra peut-être en discuter d'ailleurs, mais vraiment de la structuration du grand complot moderne, c'est-à-dire des officines obscures, d'un gouvernement qui est contrôlé, du mensonge au niveau de l'État. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouvait également dans la littérature sur la CIA qui s'était multipliée aux États-Unis. Donc ça se greffe là-dessus. Et à côté de ça, il y a un autre aspect qui va émerger à la fin des années 80, 88, 89, qui est certains milieux liés aux milices américaines, notamment un Américain qui s'appelle John Lear, qui est le fils de William Lear, le constructeur des jets Lear, qui va se mettre à faire tout un tas de révélations sur le pacte qui aurait été passé entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Les extraterrestres auraient été autorisés à enlever des humains en échange de technologies. Donc c'est la théorie des technologies qu'on trouve dès le début d'X-Files. Et après John Lear, un de ses informateurs, c'est un type qui s'appelle Bob Lazar, qui va sortir de l'ombre l'année suivante et qui va expliquer que lui, il a travaillé dans la zone 51. On l'écoute. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillons depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Et il ne m'est pas arrivé de penser, bien qu'étant en train de regarder un objet extraterrestre, que ça n'avait pas été fabriqué par l'homme. Là-bas, je donnais des surnoms à tout. Le modèle sur lequel je travaillais était d'apparence assez lisse, et je l'avais surnommé le modèle de sport. Il y avait celui qui ressemblait à un moule à geler, celui qui ressemblait à un chapeau haute forme. Il y avait aussi un disque qui était replié sur le côté. Il y avait un grand trou provoqué par un projectile, avec le métal plié vers l'extérieur. Je ne peux que supposer qu'il faisait des expériences pour voir si des projectiles pouvaient le pénétrer. Voilà, extrait d'interview de ce Bob Lazar, personnage louche pour le moins, menteur sur son parcours, dont on sait aujourd'hui, vous pouvez nous en dire. Il a inventé son CV. C'est-à-dire que alors là aussi, encore, les ufologues sont allés vérifier son curriculum vitae. Il est inventé de A à Z. Il n'a pas travaillé dans les grandes universités qu'il prétend. Il n'a pas travaillé avec Edward Teller. Enfin bon, tout ça est un mystificateur. Mais évidemment, quand une histoire comme ça est lancée, elle peut durer, surtout si elle est entretenue par des journalistes. Il y a un journaliste de Las Vegas, George Knapp, qui a été le premier à interviewer Bob Lazar, et qui ensuite intervient toujours sur la télé de Las Vegas et entretient toujours cette histoire. Donc John Lear a disparu, la plupart des gens ne s'en souviennent plus. Lazar, on s'en souvient parce qu'il y a eu des documentaires sur lui et que l'histoire a été entretenue. Donc il est ressorti 20 ans après pour raconter à nouveau ce qui s'était passé. Donc il y a tout. Alors Après, derrière toutes ces histoires, il y a tout un contexte plus général qui, moi, me paraît intéressant, parce que on peut rester sur la question des ovnis et des complots ovnis avec certaines dérives, milices et autres. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le contexte plus large dans lequel toute cette histoire survient, qui est le contexte des premiers grands procès. Il y en a déjà eu avant, mais la multiplication des mises en cause de la grande industrie, de l'industrie du tabac et d'autres industries. Des class action, comme voilà, à l'américaine. Qui vont se multiplier. Et donc, il y a vraiment une défiance de plus en plus grande de l'opinion, pas juste d'une opinion marginale, mais de l'opinion générale vis-à-vis de ce qu'on appelle les élites, on va dire les élites industrielles notamment. Et ça va se multiplier. Et avec l'émergence et le renforcement de la crise écologique et du débat, surtout sur la crise écologique, à partir du début des années 2000, ces histoires vont fonctionner en parallèle. D'ailleurs, X-Files traite aussi ces questions-là, va traiter les problèmes de la maladie du prion. Un des films cinéma d'X-Files va être consacré à ces histoires d'OGM, de manipulation génétique et autres. Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre les deux sujets. Et moi, mon impression, c'est que derrière des histoires qui peuvent paraître humoristiques, comme cette histoire d'envahir la zone 51, il y a une espèce de défiance de plus en plus grande, pas juste du public américain, mais du public général, parce que X-Files a touché tout le monde, pour le coup, et X-Files les autres films et séries qui ont été tirés de cette idée. Et du coup, ça participe à ce climat où il y a un fossé de plus en plus grand qui se construit entre ce qu'on appelle les élites, entre guillemets, maintenant on met de plus en plus de guillemets, et le public qui considère qu'il y a quelque chose qui a été raté dans la modernité, on va dire. C'est Winbart. Oui, j'irais même encore plus loin dans la contextualisation, c'est-à-dire que là, on se focalise essentiellement après 1980, qui est le moment où Roswell devient en quelque sorte un élément du débat public avec toutes les guillemets qu'on rajoute et les guillemets qui s'imposent. Mais depuis très longtemps, la figure de l'extraterrestre en soi est une figure qui permet d'incarner les peurs d'une époque. Si on pense au cinéma qui succède à la Deuxième Guerre mondiale et à la au durcissement entre les deux blocs, l'extraterrestre dans ce cinéma-là, le cinéma américain notamment, vient exprimer cette peur du communiste avec la guerre des mondes dont on parlait, qui est adapté en série, qui est exactement les premières versions qui datent, je vais retrouver la date, 1998. Non, ça c'est celle de Spielberg, celle d'avant. Non, puis 1898, celle de H.G. Wells. Oui, d'accord, mais moi, la première adaptation de la guerre des mondes, 53, voilà, c'est ça. Mais il y a aussi plein de films avec beaucoup moins de budget et beaucoup moins connus qui viennent souligner ces effets-là avec des extraterrestres qui viennent en masse, qui font tous la même chose, qui sont tous pareils. D'ailleurs, la couleur rouge est très souvent associée au début. La fixation en homme vert, cinématographiquement parlant, n'est pas immédiate, en fait. Au début, c'est beaucoup de lumière rouge, ce genre de choses, et on voit bien ensuite comment la période d'X-Files, c'est aussi une forme de passage après la chute du mur, etc., de comment on va revivifier cette notion d'ennemi en passant de l'ennemi extérieur à l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, c'est nous-mêmes et c'est la société capitaliste et ce sont les grandes industries, c'est le complexe militaro-industriel et le gouvernement en lequel on n'a plus foi. On va arriver à X-Files. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a un très très bon documentaire qui a été publié sur Netflix sur ce fameux Bob Lazar, dont on vient vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission que vous pouvez voir et qui montre comment ce personnage est effectivement non seulement un fraudeur mais en plus un truand, un escroc condamné pour proxénétisme, pour trafic de matières dangereuses. C'est vraiment un personnage assez peu recommandable. On avance un peu dans le temps puisque c'est vrai que si peut-être un mot tout de même, Pierre Lagrange, avant d'arriver à l'Europe et à la France, et je sais que vous derrière votre poste vous attendez tous la voix de Jacques Pradel qui arrive dans quelques minutes, mais qui est quelque chose à côté duquel aussi nous sommes un peu passés, même si on en trouve des archives dans les années 70 d'ailleurs, dans les années 70 en France, c'est ces phénomènes d'enlèvement. Alors ça, les histoires d'enlèvement, c'est un phénomène qui donc démarre aux États-Unis en 1965-66 avec les révélations d'un couple interracial, Betty et Barney Hill, qui ont un trou dans leur emploi du temps après avoir observé un ovni dans le New Hampshire. Et sous hypnose, ils vont révéler avoir été enlevés à bord d'un ovni. Donc ça, c'est le premier cas. Et il y a d'autres cas qui vont émerger au début des années 70, en 73, notamment l'affaire de Pascagoula, où deux pêcheurs sont pêchés par des extraterrestres. Et c'est donc à partir de 87, les histoires se multiplient. Et là, il y a la publication d'un livre de Whitley Strieber, qui est un auteur de romans fantastiques par ailleurs, très connu, et qui publie un livre qui s'appelle Communion, qui où il raconte avoir subi des enlèvements. Et donc il y a tout ce, alors c'est lié au problème de, au débat sur le syndrome de fausse mémoire aux États-Unis, qui est connecté à tout un tas d'autres histoires, notamment toutes les histoires de rituels sataniques. Enfin, il y a toute une mythologie autour de ces sujets que en France on va connaître assez tardivement. Ça fait pas partie de notre culture. Le livre Communion, par exemple, qui est un best-seller aux États-Unis en 88 et sa suite en 87 et 88, ça sera traduit chez J'ai lu en français et ça passera inaperçu. Mmh. Donc, mais ça, c'est un aspect très important de la culture américaine qui va se mettre en place peu à peu au cours des années 60, 70, 80. Et moi, quand j'étais en 87 et 88 aux États-Unis, j'ai pu voir à quel point c'était devenu très présent. C'est-à-dire que les gens en parlaient très facilement. Ça faisait partie des stéréotypes qu'ils connaissaient très, très bien. Et qui sont très importants dans X-Files également. Évidemment. C'est ça. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que tous les éléments qu'on cite, qui sont constitutifs de cette mythologie de la zone 51 et de Roswell, on voit qu'ils ont été récupérés. Et pas seulement les éléments fantastiques, parce que, bien sûr, dans X-Files, l'enlèvement de Scully, c'est un des piliers de l'arc narratif des premières saisons. Oui, c'est un pilier. Ce qui est intéressant avec X-Files, ils avaient sans doute l'idée de le faire, mais c'est que c'est aussi lié à des problèmes de production, qu'il faut expliquer que Gillian Anderson, qui vient de tomber enceinte, il va falloir expliquer qu'elle est plus à l'écran, donc on l'a fait enlever par des extraterrestres. Et donc ça, c'est aussi une spécificité peut-être du modèle américain. Par des extraterrestres, mystère reste entier. Oui, enfin, c'est l'explication qu'on a au début, qu'on donne dans la série, au début. C'est comme ça qu'on le justifie. Et cette question des enlèvements, c'est vrai qu'en France, elle est beaucoup moins marquée. Elle passe, à mon avis, par d'autres biais ou par d'autres représentations. Dans X-Files, cet enlèvement et c'est sa sorte d'association, de cercle de parole de personnes qui ont été enlevées, qui existent tout à fait, mais qui sont mis en scène et qui symbolisent comme ça, qui incarnent toutes ces paroles est extrêmement important et s'associe et tout de suite lié aussi à des problématiques de manipulation du gouvernement comme la vaccination contre la variole, qui place les implants, c'est-à-dire que tout est absolument toujours à différentes échelles en même temps dans X-Files. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on voit vraiment que la série, au-delà de la seule question extraterrestre, a réussi à récupérer cette défiance générale et tous ces éléments, c'est-à-dire c'est le Majestic 12, les class action, la crainte de la vache folle, la vaccination, toutes ces espèces de mythes paranoïaques qui en fait sont vraiment une sorte de pouls de la société américaine tendue après les années de réganisme, c'est-à-dire à la fin des années 90, à la fin des années 80, début des années 90. Oui, et permet même une relecture rétrospective de certains événements importants de l'histoire américaine, comme l'assassinat de Kennedy, etc., qui tout ça est replacé dans une dynamique générale du complot, j'ai même plus envie de dire extraterrestre, du complot tout court. Tout est complot. Il y a une autre série qui s'appelle Dark Skies qui va sortir en, je sais plus, 95, 96, c'est un espèce de super X-Files où là, carrément, on apprend que Kennedy voulait révéler la vérité sur Roswell et il a été assassiné pour ça. Et ça, ça fait partie des thèses qui sont diffusées par l'ultra-droite américaine, notamment par un autre auteur dans la mouvance de John Lear qui s'appelle Milton William Cooper, qui sera assassiné, en fait, tué par le FBI parce qu'il résistera à un assaut, parce qu'il détenait un stock d'armes assez conséquent chez lui. Donc là, on est dans un milieu de frange américaine qui dépasse le cadre des soucoupes volantes, hein, dont les ufologues ont pris leur distance avec ces gens-là. Mais ça se diffuse en fait dans tout un tas de milieux et de la culture américaine. Et les séries télé, les films Independence Day et d'autres vont permettre d'inscrire ça dans la mémoire, dans la longue mémoire en fait, et de le traduire à l'étranger. Mais quasiment comme un élément de mythologie historique finalement. Oui, c'est-à-dire que c'est une relecture de tout un tas d'événements et les ufologues là ont construit un scénario qui est extrêmement efficace, qui constitue une espèce de mythe des origines de nos sociétés, parce que quand il y a un autre aspect de ça qui est l'idée de visite d'extraterrestres dans le passé. Les reptiliens, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils seraient venus dans le passé, ou c'est les dinosaures qui auraient évolué. Enfin, il y a tout un aspect très complexe autour de ça et qui réécrit notre histoire. On le voit dans Prometheus, le préquel d'Alien. Oui. On le voit dans le dernier Superman, Man of Steel. Il y a aussi cette idée que les kryptoniens sont venus dans le passé. sur Terre. Donc cette idée de visite qu'on trouvait dans 2001, l'Odyssée de l'espace en 68, va être énormément nourrie par la culture ufologique et va se retrouver dans toute une partie de notre culture commune et constituer maintenant, oui, une espèce de mythe des origines que tout le monde connaît et maîtrise. Thierry Barthes. Oui, cette notion des reptiliens, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée, selon les théories ou selon les incarnations fictionnelles, ils sont parfois intraterrestres. Par exemple, dans Doctor Who, les Siluriens, qui sont un peu cette incarnation des reptiliens, sont réveillés par des essais nucléaires et donc remontent à la surface. Cette question des civilisations anciennes et des visites antérieures de civilisations extraterrestres, ça a notamment eu pas mal d'échos en France dans des cercles restreints, mais qui étaient éventuellement dans des positions, notamment dans le monde des médias ou de la production culturelle, étaient dans des positions un peu intéressantes de pouvoir. Mais c'est tout l'héritage de Louis Powell et de Jacques Bergier, la revue Planète, le matin des magiciens, et qui eux, certains des gens de ce milieu-là pensaient tout à fait, par exemple, que nous étions soumis à des extraterrestres et que nous leur servions de bêta, et que certaines disparitions pouvaient s'expliquer. Il y a toute cette théorie aussi, dans les différentes représentations des extraterrestres, du fait que les humains seraient élevés comme du bétail, en fait, pour nourrir des civilisations extraterrestres. Ce qui est l'une des constituantes tout à fait du mythe de Roswell, de la zone 51 plutôt. Oui, mais alors, il y a plusieurs étapes dans la construction de ce scénario. L'idée que nous sommes du bétail, c'est une idée qui vient de Charles Fort, qui est un auteur tout début du XXe siècle, mais c'est très métaphorique, on va dire, c'est pas au premier degré chez Fort. Et dans Le Matin des Magiciens, Le Matin des Magiciens s'appuie sur Charles Fort et reprend tout un tas de mythologies, le nazisme et l'occultisme, les civilisations disparues, les visites d'extraterrestres. Et la revue Planète va, pendant 10 ans, va entretenir toute cette histoire. Mais ils ont également s'inspiré, parce que c'est pas juste occidental, c'est-à-dire que au départ de cette idée ce qu'on appelle les paléovisites, les visites d'extraterrestres dans le passé le plus ancien, en fait, il y a tout un tas d'auteurs russes, soviétiques. D'accord. Dès 46, il y a un auteur qui s'appelle Alexander Kazantsev, qui est à la fois écrivain de science-fiction et journaliste scientifique, et qui spécule sur une histoire très connue en URSS, même ailleurs, qui est l'explosion de la Tunguska, une météorite géante qui est tombée donc en Sibérie, et un certain nombre d'auteurs comme Kazantsev vont l'expliquer en disant que c'est sans doute un vaisseau spatial qui est rentré dans l'atmosphère en 1908 et qui a explosé. Et là, ils développent tout un tas d'idées de leur côté sur cette histoire qui va, et alors Planète va à la fois réunir tout un tas d'idées qui viennent de la culture plutôt américaine, les continents disparus, pas trop les ovnis parce que Bergier ne croyait pas aux soucoupes volantes, mais les histoires d'extraterrestres dans le passé, et ils vont traduire tout un tas d'auteurs soviétiques qui publiaient sur ces sujets-là. On avance à cette fameuse séquence, ou en tout cas à la façon dont cette mythologie est entrée en France. Hein, vous le disiez, Pierre Lagrange et Séverine Barthes, X-Files commence en France en 1994, mais avec un succès somme toute assez mitigé. Et puis, été 95, une émission spéciale, en complément de la couverture du VSD que vous avez amené, Pierre Lagrange, que vous avez ici. La première photo d'un extraterrestre en couverture de VSD, je m'en souviens, moi je veux dire que ça m'avait complètement enchanté à l'époque. Et puis cette émission, l'Odyssée de l'étrange, présentée par Jacques Pradel. Ces images posent bien sûr une infinité de questions. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Ou alors s'agit-il d'un humain mal formé? Ce film a-t-il été tourné en 1947? Sommes-nous devant une supercherie organisée par une bande d'escrocs pour gagner un maximum d'argent? Ou alors, est-il possible que des services secrets, par exemple les services secrets américains, aient décidé, à une période que nous ne connaissons pas, d'intoxiquer les soviétiques pour leur faire croire que l'Amérique possédait désormais une avance technologique décisive? Mais dans ce cas, a-t-on utilisé un vrai cadavre ou alors a-t-on fait fabriquer par des spécialistes un monstre de cinéma? Voilà donc toutes les questions que nous pouvons nous poser, avec une supplémentaire: faut-il ou non rapprocher cette créature du fameux incident de Roswell dont vous avez certainement entendu parler? On dit aux États-Unis depuis maintenant un peu plus d'une bonne vingtaine d'années qu'en 1947, une soucoupe volante serait tombée dans le désert du Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell, donc aux États-Unis. Voilà, tout est dit, le lien entre la zone 51, Roswell, et puis surtout, moi, ce que je trouve intéressant quand on réécoute cette archive, c'est la prudence malgré tout, alors qu'on pense que c'est Jacques Pradel qui a vendu cette chose-là comme une réalité, et on voit bien qu'il est tout de même très très réservé. Hein, mais en même temps, alors il faut rendre à Jacques Pradel ce qui lui revient. En même temps, donc il a diffusé cette histoire, évidemment, il a suscité une polémique intense tout l'été. Alors ceci, la polémique, elle était mondiale. Hein. Elle dépassait le cadre de TF1 et de VSD. Mais Jacques Pradel, en même temps, a fait enquêter sur cette histoire. Il avait un enquêteur, Nicolas Maillard, qui était très compétent, que je connaissais très bien, et qui a enquêté sur cette histoire et qui l'a démonté. C'est-à-dire que entre la première émission avant l'été, où il lance le mystère qui va être entretenu pendant tout l'été, qui va susciter toute la polémique, et la deuxième émission en octobre, je crois, où il va consacrer vraiment une émission à déployer toute cette histoire, à ce moment-là, il met Santilli, l'auteur, le producteur qui est à l'origine de cette fable, sur la sellette, parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'éléments qui lui montrent que c'est une invention complète, c'est complètement bidon. Ouais. Cyrine Barthes, dans l'imaginaire collectif, cette vidéo tout de même, elle est très forte. Enfin, on peut dire qu'il y a la création de la mythologie, et puis d'un seul coup, il y a le fameux petit gris, c'est-à-dire que finalement, ça reprend des codes qui étaient déjà en filigrane, mais d'un seul coup, ça les incarne. Ça les incarne, et je pense que c'est pas pour rien que beaucoup de fictions, là, pas que des séries télé, mais ont rejoué entre guillemets cette scène, on reproduit, il y a des clins d'œil, on va faire comme si, on s'en moque, etc. Et donc ça donne de la chair à quelque chose qui était jusque-là extrêmement abstrait, parce que même un petit gris, à quoi ça peut bien ressembler. À part Jean-Claude Bourret qui croyait au petit gris en France. Je sais pas si... Mais il y a un aspect aussi quand même très, très intéressant dans toutes ces histoires, c'est que c'est moins de la croyance que des controverses. C'est-à-dire que on peut pas juste tout l'été 95, c'est une polémique cette histoire. C'est pas juste des gens qui y croient et qui gobent l'affaire. Et toute cette histoire d'OVNI depuis le départ, depuis 47, c'est on parle souvent de croyances populaires. Moi, j'aurais plutôt tendance à proposer d'appeler ça une incroyance populaire, parce que depuis 47, ça n'a jamais cessé d'être une controverse. Et chez les ufologues même, c'est là où on trouve les plus sceptiques en fait dans ces histoires. C'est les ufologues qui ont participé, qui ont démonté l'affaire de Roswell. C'est les ufologues qui ensuite ont démonté le MJ-12. Qui ont démonté, qui ont enquêté sur cette histoire d'extraterrestres de leur côté, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Donc en fait, il y a vraiment une espèce de controverse qu'on va retrouver ensuite sur d'autres terrains, mais c'est un vrai débat public sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces histoires et qu'est-ce que ça fait en fait, qu'est-ce que ça change à nos sociétés. Un mot, Pierre Lagrange, pour nous expliquer, c'est quoi ce film finalement ? Alors, c'est Ray Santilli, donc un producteur anglais, qui fin 94, début 95, commence à faire circuler une rumeur comme quoi il aurait récupéré un film ultra secret de l'armée américaine. Et en fait, c'est tout simplement un film fait avec un mannequin de cinéma très classique. C'est l'auteur du trucage d'ailleurs est sorti. Il y a des interviews de lui qu'on peut trouver sur internet où il explique comment il a fait. C'est un mannequin en latex très classique avec de la bidoche de boucherie hein, dedans et ils ont organisé ce tournage à la va-vite. D'ailleurs, ça a été fait un peu n'importe comment. Dans un appartement londonien. Voilà, c'est tout à fait bricolé et ça a été fait avec trois bouts de ficelle. Donc, ce qui est intéressant, j'ai lu tout de même qu'il s'était donné le mal. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une rumeur qu'il s'était donné le mal à transférer les images sur une vraie pellicule de 47? Alors, non, autant que je sache, non. On a juste des amorces de films de 47 dont on n'a jamais, avec lesquels il y a jamais eu d'image de la créature elle-même. C'est-à-dire que Santilli a joué constamment sur les deux tableaux en disant j'ai le film original, il a fallu le restaurer, donc on l'a mis sur vidéo parce qu'il était inutilisable, et il a montré des amorces de films, des bulletins de Kodak ou trucs comme ça, mais on n'a jamais pu faire le lien. C'est comme la mâchoire de Piltdown, c'est-à-dire entre la mâchoire et le crâne. C'était une mâchoire de chimpanzé mise sur un crâne. Voilà. C'est la même chose avec cette histoire. Le chaînon manquant. Les bouts de pellicule, on n'a rien qui permette de les raccrocher à la vidéo que l'on voit. Et le mythe, en tout cas, est lancé, et d'un seul coup, effectivement, ça fait une espèce de vague mondiale, concomitant, mais alors c'est vraiment, finalement, la meilleure promotion involontaire de l'histoire de la télévision pour... On peut dire, Séverine Lagrange, que finalement, le succès... Séverine Lagrange, vous êtes mariée, ça y est. Séverine Lagrange, Séverine Barthes, pardon, excusez-moi. On peut dire que... j'en ai perdu ce que je voulais dire. Oui, si, c'est que le succès, finalement, de X-Files, c'est outre la qualité intrinsèque et inhérente à la série, qu'on peut discuter d'ailleurs, mais qu'il est finalement presque involontaire. Enfin, c'est la série qui tombe bien au bon moment et qui va fixer tout cet imaginaire dont on vient de parler et qui s'est effilé jusque à cet été 95 et à cette vidéo de l'affaire de Roswell. Oui, X-Files, c'est une série qui, quand elle est créée, se place à l'intersection de plein de mythologies, de sensibilités, etc. Il y a l'héritage de Charles Fort, dont on a parlé, mais qui est clairement explicite dans la série. Il y a la référence, enfin, c'est un lien aussi avec certains types de programmes qui existaient avant, Kolchak, Night Stalker, qui est une inspiration forte. Qui est quoi, par exemple? Qui est une série d'un jour, qui racontait dans les années 70, c'était un jour journaliste qui enquêtait un peu sur des phénomènes un peu bizarres, un peu paranormaux dans son journal. Il s'occupait de de ce travail. Et donc cette idée d'enquêter sur des choses un peu paranormales qu'on ne peut pas expliquer par la simple science ou le simple appel, la simple raison, c'est vraiment une série que Carter adorait quand il était jeune. Et il a Chris vraiment... Carter, le créateur de X-Files. Oui. Le créateur d'X-Files adorait. Et donc pour lui, X-Files est un peu une sorte d'hommage à cette série. Donc on voit bien comment ça tire comme ça différents héritages. Toute cette question d'ufologie, etc. Et qu'effectivement, il y a un moment où, de toute façon, toute grande série, c'est toujours une série qui rencontre le public dans un moment particulier qui va lui donner un écho spécifique. Les créateurs et ensuite les scénaristes et les showrunners d'X-Files ont toujours été absolument très conscients de ça et très désireux de s'intégrer dans l'actualité. L'histoire du Prion, par exemple, quand il la sort, La vache folle, quand il y a un épisode qui parle de Crossfield Jacob, c'est avant l'explosion médiatique de la question, c'est-à-dire qu'il suivait de près les publications scientifiques, etc., pour aller chercher vraiment des histoires qui parlent à l'imaginaire contemporain de la production. Pierre Lagrange. Alors avec Kolchak, il y a un lien très important, c'est l'aspect de l'élusiveness, c'est-à-dire le fait que les phénomènes échappent constamment à la preuve. Kolchak, il est tout le temps confronté à quelque chose qui se déroule et à la fin, il lui reste plus rien entre les mains. C'est vraiment le point important d'X-Files. Il constate, mais finalement, ils n'ont aucune preuve. Encore aujourd'hui, on ne sait absolument pas si c'est finalement des extraterrestres, des manipulations du gouvernement, à quel niveau et autres. On n'aura jamais la solution. Et ça, c'est un trait commun de la culture OVNI et paranormal en général. Cette idée que le phénomène échappe à la preuve. Et encore une fois, ça rejoint aussi les polémiques, les controverses publiques qui se sont multipliées et l'univers des marchands de doute où des officines de l'industrie sont payées pour entretenir le doute et la suspicion sur tout un tas de faits scientifiques par ailleurs plutôt bien établis. Donc là, en projetant ça dans un univers extraterrestre, ça permet évidemment de complètement d'abord cristalliser l'intérêt du public, c'est-à-dire que X-Files a vraiment permis de réunir tout un tas de sujets et de les incarner véritablement. Puis il y a tout un aspect de légende urbaine aussi dans X-Files, pas uniquement les ovnis et les extraterrestres. Et donc je trouve que ça nous dit quelque chose de l'évolution de nos sociétés et du fait que moi j'ai grandi dans les années 70, 80 avec dans un monde qui était rationaliste et on nous disait que plus la science progressait, plus on en saurait justement sur la nature de la réalité. Aujourd'hui, on est dans une situation plutôt inverse où plus on en sait, plus ça alimente les doutes et les incertitudes. Et de ce point de vue-là, la culture populaire a bien saisi cet aspect-là et l'a bien entretenu, surtout cette idée que la réalité est quelque chose qui nous glisse entre les mains et qui est assez insaisissable. Donc, la culture ufologique a mis en place ça. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont cette grille de lecture ufologique est devenue une grille de lecture générale. Quand elle se greffe ou elle va se métamorphoser à la fin des années 90, début des années 2000, à travers les attentats de New York, le débat sur la crise écologique et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc X-Files va fixer une bonne fois pour toutes, va permettre à cet imaginaire et à cette mythologie bien d'avoir une répercussion mondiale. On pourrait citer plein d'autres exemples. Tout de suite derrière X-Files, il y a une sorte de flopée d'utilisation de cette mythologie pour le pire et pour le meilleur d'ailleurs, Séverine Barthes. Oui, X-Files permet de montrer que aux Américains, là je parle enfin aux décideurs dans les chaînes, que on peut refaire du fantastique. Il y avait une grande phase de fantastique à la télévision qu'on avait un petit peu arrêté, et quelque part le succès d'X-Files va montrer qu'il y a de nouveau une appétence pour le public. Donc on va avoir plein de séries qui vont jouer sur ces questions du paranormal, de la technologie qui permet d'aller plus loin, de mieux comprendre les choses, etc. Et surtout va populariser ça au point qu'on puisse le retourner complètement. X-Files le faisait déjà un petit peu, c'est-à-dire que là on a l'impression qu'X-Files c'était une série qui était uniquement sérieuse, ce qui n'est pas le cas. X-Files c'était une série aussi qui était très drôle, qui avait beaucoup de distance. Quand on voit par exemple le double épisode sur la zone 51, certes il y a un double épisode sur la zone 51, mais l'histoire qui est racontée dans ce double épisode, c'est qu'il y a une espèce d'échange d'esprit entre un employé de la zone 51 et Mulder. Donc Mulder, qui l'esprit de Mulder qui est rentré dans ce personnage un peu pas très intelligent de la zone 51 va pouvoir découvrir peut-être des choses. Et il y a quand même toute la partie où l'esprit de cet employé dans le corps de Mulder qui va essayer de chauffer Scully, etc. qui va, ça se termine par une sorte de parodie de la soupe au canard des Marx Brothers, etc. Quand Roswell, un des épisodes les plus intéressants. Roswell, alors redites-nous ce que c'est exactement, parce qu'il y a une série qui s'appelle complètement Roswell, voilà. qui est adaptée d'ailleurs d'un bouquin qui s'appelle Roswell High, qui est une série pour teenagers. Exactement, deux teenagers pour teenagers. Qui raconte quoi? Bah, en gros, c'est des extraterrestres qui ont donc pris forme humaine, enfin, qui incarnent des humains, et qui vivent de manière tout à fait normale mais cachée, enfin cachée, ils cachent leur qualité d'extraterrestre, à Roswell. Et c'est une série effectivement d'adolescents avec les problèmes de n'importe quelle série d'adolescentes, enfin c'est comme dans Beverly Hills ou comme dans d'autres séries ados, et qui permettent de jouer constamment. Il faut qu'il y ait cette connaissance minimale de ce qu'est Roswell, l'événement, là je parle de l'affaire Roswell, etc., pour pouvoir comprendre la série, ce qui montre à quel point c'est naturalisé. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, que ça soit avec Roswell ou avec la zone 51, c'est que c'est devenu tellement commun qu'on peut en faire n'importe quoi. J'ai envie de dire, si on pense à Paul de Simon Pegg, le film, c'est quelque chose, c'est totalement une comédie. Alors il faut raconter, c'est Simon Pegg qui est ce comédien réalisateur britannique qui a fait notamment Shaun of the Dead, qui a toujours repris un peu les genres pour les mettre à l'inverse, qui joue beaucoup sur les parodies des genres et qui fait une espèce de road movie de deux copains qui vont au Comic Con à San Diego, qui est ce grand événement de fans de comics, convention de fans, voilà, etc. Et qui ramasse en autostop un extraterrestre échappé de la zone 51. Et donc ils partent ensemble et c'est complètement loufoque. Donc on n'est pas du tout uniquement dans des choses lourdes, sérieuses. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est bien le signe d'une mythologie et de son accession à un statut de mythologie populaire. C'est quand bien d'un seul coup, on peut la retourner, la caricaturer, l'utiliser et faire référence de manière collective à quelque chose qui va appeler tout dans l'imaginaire. Mais on a le sentiment que cette utilisation, en fait, finalement, X-Files a presque pris et en même temps stérilisé cet imaginaire. C'est-à-dire que derrière, on peut faire de la caricature, on peut pousser un peu les limites, mais Roswell, on peut se dire ça, les yeux dans les yeux, c'est quand même pas très bon. C'est pas très très bon. Dark Side, ça pouvait être intéressant, mais bon, ça a été arrêté faute d'audience, oui. Et c'était un peu outré aussi. Mais c'était un peu trop proche d'X-Files en même temps, je pense, donc là, ça faisait un peu doublon. Et ils essayaient d'aller plus loin, mais alors il y a eu tout un tas de films, parce que en 93-94, quand X-Files démarre, il y a aussi Roland Emmerich, le réalisateur américain, qui Independence se Day. Avec, alors Independence Day c'est 96, mais il y a Stargate en 94, qui là, à nouveau, on est dans les visites d'extraterrestres dans le passé, et c'est un des premiers grands films qui va surfer sur cette histoire. Et après, la zone 51 existe dans Stargate d'ailleurs, c'est un endroit où viennent les... Alors, voilà, tout à fait, il y a la base secrète où est gardée la porte des étoiles, et où on expérimente, on fait des recherches dessus. Mais là, on est vraiment sur le thème des paléovisites. Et avec Independence Day, 2 ans après, il va complètement reprendre la mythologie Roswell. Alors, la zone 51 à fond, puisque c'est là qu'est cachée la soucoupe. Et le président des États-Unis n'est pas au courant. Voilà, et qui vient et qui découvre cette zone 51. Il y a cette scène extraordinaire dans l'avion où le président des États-Unis découvre qu'il y a une zone 51 alors qu'il essaie de démystifier l'histoire parce que son propre état-major lui a caché la vérité. Ce qui est quand même assez. On avait cette scène, mais bon, on n'a pas tout à fait le temps de la réécouter maintenant. Peut-être un mot pour dire que cet imaginaire-là, ou en tout cas cet imaginaire sérieux, c'est-à-dire cet imaginaire qu'on peut exploiter pour produire de la fiction, etc., ça va durer assez peu de temps, parce qu'on peut le retrouver. On le retrouve aussi dans une excellente bande dessinée de Grant Morrison qui s'appelle Les Invisibles, où cette créature de la zone 51, en fait, une sorte de principe liquide qui est là et qui est là depuis tout temps. Mais on a l'impression qu'effectivement, comme le disait Pierre Lagrange tout à l'heure, à la fin des années 2000, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est acquis, mais on ne l'utilise plus que sous forme de clin d'œil, ça n'est plus matière à fiction tellement. Oui, après on passe aussi à d'autres choses. Enfin, les représentations d'un imaginaire collectif passent leur temps. Les nouvelles, enfin, elles apparaissent, elles rebaissent. Il y en a d'autres qui prennent le point, etc. Aujourd'hui, on est peut-être davantage sur ces questions d'extraterrestres, sur l'interrogation. Est-ce qu'ils existent aussi? Enfin, quand on voit Ad Astra qui vient de sortir, c'est James Gray dont nous avons parlé à ce micro dans des termes parfois pas très amènes. Mais ça, je ne parle pas de l'activité du film. N'empêche que la question qui est là, pourquoi le personnage est aux confins du système solaire, c'est pour voir si on capte des traces d'une civilisation extraterrestre. Et la réponse est pas si évidente que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur le problème de l'isolement peut-être de l'humanité. Y a-t-il vraiment quelqu'un d'autre ? Cet imaginaire, Pierre Lagrange, il est un peu périmé. Alors c'est compliqué à dire parce que il y a eu tous la période Roswell, on va dire, et les complots et autres. 90, voilà, donc les années 90-2000. Mais avant ça et après ça, il y a tout le débat plus large sur la vie extraterrestre qu'on trouve dans premier, alors qui avait commencé évidemment avec des films comme 2001 l'Odyssée de l'espace, et Mes premiers contacts va reprendre cette idée, et là il y a tout un cinéma beaucoup plus sophistiqué qui se greffe sur ces histoires. Premier contact, vous voulez dire Arrival, le film de David Villeneuve, qui est très très bon film, et avec les heptapodes, qui est un clin d'œil à Wells, aux martiens de Wells, un film de science-fiction linguistique, voilà, dont nous avions parlé aussi ici. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans tous ces sujets et la science-fiction, même avec des films comme Avatar, on voit qu'il y a une espèce de retour sur soi. C'est-à-dire que dans les années 60, il y avait cet optimisme où on allait conquérir l'espace. Et aujourd'hui, en fait, on va dans l'espace pour regarder la Terre. Ça s'est complètement inversé, le phénomène. Et donc, il y a une question. La question extraterrestre devient une question écologique. Ça devient la question de la pensée non humaine qui nous confronte à ce que sur Terre nous découvrons au moment où nous sommes en train de les exterminer, c'est-à-dire la question de l'intelligence et des cultures d'animal. C'est-à-dire que là, on est en train de découvrir depuis les années 60, c'est-à-dire depuis le moment où les missions Apollo, c'est aussi les premières recherches sérieuses sur la capacité à communiquer avec nos cousins primates, les expériences des Prémacs et autres. Et donc, il y a tout un phénomène qui va se développer autour de l'intelligence et des cultures animales, cette idée que la culture, nous l'avons, c'est pas l'homme qui l'a créée, on l'a hérité de nos cousins, des animaux non humains. Et donc, il y a une espèce d'une nouvelle cristallisation entre toute cette culture de la pensée non humaine extraterrestre et de la pensée non humaine animale non humaine qui crée un nouveau débat beaucoup plus riche, alors qui va beaucoup plus loin, mais qui est aussi en accord avec les débats publics aujourd'hui. C'est-à-dire que on est vraiment dans un débat qui est celui de la crise écologique aujourd'hui. Séverine Barthe, la postérité de cet imaginaire, la postérité de X-Files, alors on a ressorti un film, deux films, c'est pas toujours très très intéressant. Ça veut dire qu'encore une fois, cet imaginaire, comme je le disais à Pierre Lagrange, il est périmé, au contraire il a essaimé. Aujourd'hui il y a tellement de complots partout qu'il ne peut plus y avoir de complots extraterrestres à Roswell. Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui aussi la question elle se déplace, c'est-à-dire que aujourd'hui ce qui nous pousse à nous interroger sur ce qui fait notre humanité, ce qui est aussi une manière de lire X-Files, hein, qu'est-ce qui fait de nous des humains par rapport aux extraterrestres, c'est les rapports aux machines. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a davantage un image, ce qui prend peut-être la place de cet imaginaire de l'extraterrestre avec toute cette dimension éventuellement de complot, de manipulation, etc. C'est peut-être l'imaginaire lié aux machines. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va nous laisser comme place? Qu'est-ce que les assistants vocaux nous laissent comme organisation, comme espace, comme liberté. Eh bien écoutez, ce sera l'occasion de faire plein d'autres émissions. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci d'être venus parler de cette zone 51, de l'affaire de Roswell, de l'imaginaire collectif et de ses mythologies. Merci Pierre Lagrange. Merci beaucoup. Séverine Barthe. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Ozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Émilie Valla aujourd'hui à la réalisation et Alex Dang à la technique.